Comme l'eau, le bateau aussi. Je divague à la mer et je matelot. Et au dos de la gamme, il est ramalot. Balance l'acoustique, se mêle aux idées. Hydrothérapique, à des mots mêlés. Transige l'escale, tropicalité, transcende la voile, transitivité, un peu ramollo, encore la molly, un peu comme l'eau, le bateau aussi, je divague à la et je matelot, et au dos de la gamme, il est ramalot. Bandé d'allégresse transcontinentale, et d'une tendresse intertropicale, mon âme se laisse par un doux baiser. Par ta caresse se réveiller, mon âme en exil, au corps métissé, tient d'une presqu'île, des bras de Morphée. Mon âme se lève sur ta beauté, continue mon rêve. Un peu ramollo, encore la molly, un peu comme l'eau, le bateau aussi. Je divague à l'âme et je matelot, et au dos de la gamme, il est ramalot. Un peu comme l'eau, le bateau aussi. Je divague à l'âme et je matelot. Et au dos de la gamme, il est ramalot. Un peu ramollo, encore la molly. Un peu comme l'eau. Le bateau aussi, je divague à l'âme et je matelot, et au dos de la gamme, il est ramalot.